CKRL. Québec. Bienvenue à une autre édition de Web Musique. Vous êtes avec Simon Roy pour la prochaine heure. Plein de bonne musique gratuite cette semaine. J'avais vraiment hâte de faire l'émission. Donc, je vous ai déniché des trucs vraiment intéressants cette semaine. On va débuter avec un artiste montréalais que j'ai rencontré via SoundCloud. C'est Fruit. Je vous fais entendre sa pièce Bard, Rendez-vous. Un beatmaker, donc vraiment intéressant, qui donne un peu dans le piou-piou, vous allez voir, vraiment intéressant. Ensuite de ça, de la ville de Kaunas en Lituanie, c'est Radels. Je ne sais pas trop comment le prononcer, mais on va aller sur la page de Web Musique, vous allez pouvoir voir son nom. Donc, je vous fais entendre sa pièce Ponder Do. On va entendre ça tout de suite après Fruit, qu'on écoute tout de suite à Web Musique. Yeah. de la ville de Kaunas en Lituanie, c'était Rattles, c'était la pièce Ponderdou. Avant ça, c'était donc c'était Fruit, un beatmaker de Montréal avec sa pièce Bar de rendez-vous. Donc, ben c'est ça. Si les pièces vous intéressent, vous pouvez toujours vous rendre sur le site de Webmusic qui est situé au www.webmusic.ca. Vous allez avoir accès donc à toutes les pièces. Vous allez pouvoir les télécharger de façon gratuite et légale. Donc, on va poursuivre l'émission avec un artiste polonais du nom de Gutter Hulk. Je vous fais entendre la pièce Shadow Hunters de Reckoning. Vous allez voir un petit peu de musique inquiétante pour poursuivre. C'est publié sur l'étiquette Narical Records. Ensuite de ça, on va entendre donc un duo qui est publié sur l'étiquette Bushman Records. C'est une étiquette qui nous vient de l'Afrique du Sud. Le duo vient de Jeffrey Bay, donc en Afrique du Sud. C'est de Shimmer Effect. Vous allez voir, pièce vraiment intéressante intitulée Royal Pig. Donc, ben c'est ça, on écoute Gutter Hulk tout de suite à Web Music. Das Fälschungsregime. Vous êtes toujours à l'antenne de CKRL 89,1. Vous écoutez l'émission Web Musique. On vient tout juste d'entendre un duo de la ville de Jeffrey Bay en Afrique du Sud. C'était The Shimmer Effect avec la pièce Royal Pig. C'était publié sur l'étiquette Bushman Records. Avant ça, de la Pologne, c'était Gutter Hulk avec sa pièce Shadow Hunters de Reckoning. Donc ça, c'était publié sur Narical Records. On poursuit avec un artiste allemand du nom de Omara, qui est vraiment prolifique. Il y a 51 albums, tous publiés sur sa propre étiquette maison, Omara Music. Donc, je vous invite à visiter le site d'Omara Music. Vraiment beaucoup de matériel. Un artiste qui privilégie les pièces quand même assez longues. J'ai eu la difficulté à trouver une pièce assez courte pour passer à l'émission. La plupart de ses pièces sont dans les alentours de 10 à 15 minutes. Donc, c'est ça. On va entendre sa pièce Secret. On écoute ça à Web Music. Écoutez, le dimanche de 22h à 23h, La Croche-Oreille, la seule émission en art audio et électronique au Québec. Animée par Jean-Pierre Gay et Ariane Plante, La Croche-Oreille est présentée par le Centre d'artistes Avatar de Méduse. La Croche-Oreille, ce sont les sonorités du futur par des gens d'ici, aujourd'hui. Le Bal du Lézard présente le 14 février l'Impro Valentin 2, le spécial Saint-Valentin film d'amour. Vous me flattez comme on flatte un animal. Mais vous êtes un animal. Quatre comédiens fous improviseront sur le film La Belle et la Bête de Jean Cocteau, accompagnés de deux musiciens sur scène. Le diable vous éclabousse et vous couvre de crotte. Une soirée pleine d'amour et de poésie au Bal du Lézard. 1049 3e Avenue, le jeudi 14 février à 21h30. C'est gratuit. Le 15 février prochain, CKRL souligne 40 ans de radio. Animateurs, auditeurs, amis anciens et actuels, venez célébrer avec nous l'anniversaire de CKRL à l'espace Hyperion, 190 Saint-Joseph-Est. Service de traiteur sur place, prestations d'Antoine Graton et DJ set de D. Procurez-vous dès maintenant vos billets au coût de 10$ par PayPal sur notre site ckrl.qc.ca ou à la station au 405 3e Avenue. Un événement à ne pas manquer. Hello, this is Laurie Anderson and you're listening to CKRL FM 89.1, Quebec City. Well, I stopped in the body shop. Said to the guy, I want stereo FM installed in my teeth. Then take this mole off my back and put it on my jeep. It's safe. It's safe. De retour à Web Musique, comme l'annonce qui vient juste de passer, donc je vous rappelle que vendredi prochain, c'est notre gros party de 40 ans de CKRL. Donc venez faire un tour à l'espace Hyperion, toute la gang va être là. On veut vous voir, donc ça risque d'être vraiment une belle soirée. Si vous voulez plus d'informations, allez sur le site de CKRL au www.ckrl.qc.ca. Vous allez avoir toute l'information qu'il vous faut. Donc, on veut vous voir. Ça risque d'être vraiment une belle soirée. Web Musique se poursuit. Il reste seulement une petite demi-heure. On va entendre un artiste, cette fois-ci de la ville de York, en Angleterre. C'est Red Cosmos. Je vais vous faire entendre un peu de chorale, électro-chorale. Donc, la pièce s'intitule « Nothing is Happening ». C'est publié sur l'excellent netlabel Clinical Archives. Ensuite de ça, sur Pavilion 36 Recordings, c'est une pièce tirée de leur dernière compilation, « Circuit imprimé, volume 3 ». Une excellente compilation. Je vais vous faire entendre un artiste de la ville de Berlin. C'est Karsten Pflum. Je vous fais entendre un peu de drum and bass. C'est sa pièce Coils Up Swedish Pony Riding. Vous allez voir une pièce vraiment drôle. On écoute tout de suite Red Cosmos à Web Musique. de la ville de Berlin en Allemagne, c'était Karsten Plum, c'était sa pièce Coil Up Swedish Pony Riding, donc c'était sur la compilation Circuit Imprimé volume 3, c'était donc sur l'étiquette Pavilion 36 Recordings. Je vous invite à visiter leur site, les volumes 1 et 2 sont vraiment excellents également. Beaucoup de musique sur ces compilations-là, donc ça vous donne une idée un peu de ce qui est publié sur l'étiquette Pavilion 36 Recordings. Avant ça, l'opéra que vous avez entendu, c'était Red Cosmos, un artiste de la ville de York en Angleterre. C'était sa pièce Nothing is Happening. C'était publié sur la méga étiquette Clinical Archives. Pour la suite, j'ai une pièce vraiment intéressante. C'est donc le thème de Star Trek repris par RAC. C'est un trio donc des États-Unis. Vraiment intéressant comme trio. Ils font des remixes de toutes sortes de trucs. Donc, entre autres, la musique des jeux vidéo Nintendo et Sega. Donc, un collectif vraiment intéressant. Donc, c'est ça, on va écouter ça tout de suite. C'est le thème de Star Trek repris à leur façon. Vraiment intéressant. We'll be right back. probablement la meilleure version du thème de Star Trek que j'ai pu entendre. C'était par RAC, un trio qui nous vient des États-Unis. Allez voir ce que RAC font. Ils font des remixes de toutes sortes de trucs. Donc, un trio vraiment intéressant. Je vous invite à les découvrir. On va poursuivre avec un artiste du nom de Jonad Dempsey. Je vous fais entendre sa pièce « Tension is Rising ». C'est publié sur l'étiquette Cheshire. C'était la pièce « Tension is Rising » par Jonad Dempsey. C'était publié sur l'étiquette Cheshire. Ça va déjà être tout pour Web Musique. Restez à l'écoute de CKRL. C'est la croche-oreille qui s'en vient avec Jean-Pierre Gay et Ariane Plante. Leur invité cette semaine, c'est Martine Crispeau. Donc, restez à l'écoute. C'est une émission qui promet. Nous, on va se quitter sur une dernière pièce de Junior 85 qui est publiée sur Bad Panda Records. Je vous fais entendre la pièce Raymond Scott. Donc, un hommage à un des pionniers de la musique électronique, Raymond Scott. On se laisse là-dessus, puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine à compter de 21h pour une autre émission de Web Musique. Bonne soirée. The music you're listening to is completely electronic. The music you're listening to is completely electronic. The music you're listening to is completely electronic. The music you're listening to is completely electronic. The music you're listening to is completely electronic. The music you're listening to is completely electronic. The music you're listening to is completely electronic. The music you're listening to is completely electronic. Created and produced on equipment designed and manufactured by Manhattan Research. Téléchargez Web Musique sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Un spectacle unique en son genre. De l'improvisation théâtrale avec un allié de taille, le dessin. C'est l'Impro BD. À la Ligue québécoise d'Impro BD, auteurs de bandes dessinées et comédiens s'unissent pour offrir une soirée haute en couleurs. Prochaine rencontre le dimanche 24 février, 20h, au Cercle. Entrée libre, contribution volontaire. Initiée par le Festival de la bande dessinée francophone de Québec, les soirées de la Ligue québécoise d'Impro BD sont présentées en partenariat avec le Cercle et CKRL.